Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je suis un des deux animateurs de cette belle émission sur le monde de l'automobile. L'autre est mon ami journaliste automobile et jet set, Marc Bouchard. Salut Marc. Jet set. Ben et oui, quelle présentation là. T'es allé au lancement de la nouvelle collection de linge de Piqué Souben, chose que j'ai trouvé vraiment drôle parce que je me suis dit... Ça a rapport avec... Est-ce qu'il a décidé de faire des housses pour siège automobile cette année? Et Marc est là. C'est probablement mon format de linge qui l'inspirait. Non, sérieusement, la raison pour laquelle j'ai fait ça, en fait, c'est relié à l'automobile. OK. C'est que, c'est la compagnie RW & Co. qui s'est associée avec Piquet Souben pour faire vraiment une ligne de complet, qui est d'ailleurs plutôt jolie, je dois le dire, là, ouais. Même si lui et moi, on n'a pas exactement la même shape. Ben, j'étais pas nécessairement certain non plus de l'espèce de petite jaquette en velours qu'il y avait. Là. C'était pas mon style à moi. Sur lui, je veux dire, n'importe quoi irait bien, là, mais je veux dire, pour moi, ça fait pas mon. Enfin, ça serait pas tellement mon style non plus. Non, mais honnêtement, toute la gamme est assez jolie, là. Je dois dire Okay. qu'il a fait des bien belles choses et il s'est vraiment impliqué lui-même, là. Il a choisi les matériaux. Bref, il s'est vraiment impliqué. Mais l'idée derrière ça, c'est que, profitant de ça, RW & Co. a sorti un magazine anglais-français qui va être distribué notamment dans les différentes boutiques. Un magazine pour hommes dans lequel il est question voyage, vêtements, bien entendu, et automobile. Et c'est moi qui s'est occupé de la section automobile. Donc, j'étais sur place. C'est pour ça que je suis allé directement au défilé de mode de Piqué Souben auquel participaient plusieurs centaines de personnes. Je dois dire que c'était agréable, d'autant plus qu'on m'avait demandé, ben, un peu en collaboration, d'amener là des véhicules, certains des véhicules dont je parlais dans le magazine. Ça a été le cas notamment de l'Alfa Romeo 4C Spider que j'avais déjà conduit, mais que j'ai amené aussi au tapis rouge. C'est aussi là qu'on a amené, grâce à la collaboration de McLaren Montréal, faut-il le dire, une voiture, une McLaren 650S, qui est une pure beauté. Elle était blanche, elle était magnifique, j'étais très heureux. Et enfin, ben, on a amené aussi la Porsche Boxster 718, une belle voiture, encore une fois, qui, elle aussi, fait partie des voitures dont je parlais dans le magazine. Alors, comme tu vois, oui, c'était un peu jet set. J'ai pas l'habitude d'aller au défilé de mode, mais je t'avoue que j'ai trouvé l'expérience extrêmement enrichissante et extrêmement amusante, du moins le temps que ça a duré. Seul bémol, c'est qu'on s'est fait attraper par la pluie, mais par la très, très vilaine pluie, l'espèce de mini tornade ouragan qu'on a eu cette semaine. Alors évidemment, ça me posait un petit problème parce que moi, je me promenais dans une Alfa Romeo Spider. Vous comprendrez que je n'ai pas enlevé le toit. Ben, écoutez, c'est sûr que c'est aussi, bon, on ne peut pas que parler de mode et de jet set cette semaine. Alors, on va bien sûr vous parler de plein de choses. On a entre autres un segment cette semaine qui devrait intéresser ceux qui sont actuellement en train de se magasiner une voiture. Pourquoi? Parce qu'on va se poser la question, y a-t-il un moment dans l'année où il est préférable d'aller s'acheter une voiture? C'est-à-dire, y a-t-il des périodes de l'année où, par exemple, il y a des meilleurs rabais, où, par exemple, il y a plus d'avantages à aller magasiner? Est-ce qu'il y a plus de modèles? Bref, on va répondre à cette question-là. On va bien sûr parler de nos essais aussi. Luc a essayé de son côté la Mazda MX-5, la célèbre petite Miata, qui est une voiture que moi, j'ai personnellement adorée. On verra aussi ce que Luc en a pensé. Et finalement, ben, on va parler de mon Chevrolet Silverado, un véhicule que j'aime beaucoup, qui est très agréable. Ben, super. En tout cas, je suis bien heureux que tu aies été voir Piqué. Je sens la jalousie dans ta voix, mon cher Luc. Non, ben, je suis un de ceux qui était très, très déçu quand Piqué a été échangé parce que c'était un de mes joueurs préférés. Puis je trouve ça plate qu'à Montréal, on n'a pas été capable de gérer ce type de caractère-là parce que, tu sais, on est un peu calme à Montréal. On est comme, tu sais, c'est une équipe. C'est une équipe centenaire, c'est une équipe qui a une tradition, puis on garde ça vraiment, on essaie de garder ça propre et droit, puis quand les joueurs commencent à sortir un peu de cette ligne-là, ben on a souvent la tendance à les échanger. Mais Piqué rayonnait en dehors de Montréal tellement qu'il était flamboyant, puis moi je trouve que c'était une vedette, puis on a eu de la misère un peu à le gérer, mais je peux comprendre aussi que dans la chambre, il y en a qui disaient qu'il était dérangeant et tout ça, puis que chez Weber, c'est comme... le contraire de Piqué, là. Mais fait que j'ai été très déçu. Fait que j'aime beaucoup quand même Piqué Subban. Je vais peut-être même me commander un chandail des Prédateurs avec Subban. C'est écrit en arrière parce que j'aime Piqué quand même. Mais tu sais, je peux comprendre les besoins du Canadien de Montréal, pareil. Mais, moi, tu vois, j'aurais aimé le rencontrer, mais comme j'expliquais tantôt, on était plusieurs centaines de personnes. Oh ouais. J'étais pas le seul à vouloir le rencontrer. Et il y avait beaucoup, beaucoup de médias parce qu'évidemment, Piqué Subban à Montréal attire encore. Alors, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement. J'ai quand même une photo de lui, j'étais assis au premier rang. J'ai quand même une photo de lui et de ses frères qui paraissaient aussi. Ouais, comme j'ai je le vu. Disais, bon, on a parlé de nos essais, on va parler aussi de la période pour acheter. Ça, c'est clair pour les prochaines minutes. Mais là, ça, j'aimerais ça qu'on arrive tout de suite au cœur de l'automobile. Parce que là, c'est le fun de parler de mon désir de mode. Là. Ouais. Je pense pas que les gens m'écoutent pour mes goûts en qualité de mode. On sait jamais, on pourrait partir une nouvelle ligne de linge Bouchard. Ouais, c'est ça, dirigeable. En tout cas. Hey, j'ai rien dit. J'ai pas été méchant, moi. Non, mais moi, j'y ai pensé. Alors, non, mais c'est parce que, en fait, ce que je voulais, là où je veux en venir, c'est qu'actuellement, on est dans le monde automobile. Mm-hmm. C'est la période de l'année où tout le monde parle d'un principe en particulier, puis j'avais envie de t'entendre là-dessus, Luc. C'est les voitures autonomes. Ouais. Tu sais, actuellement, on est là, tout le monde en parle. Puis quand je suis allé justement au défilé de mode, et c'était ça le lien, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions en disant « Ouais, mais dans 5 ans, tu n'auras plus de job. Les voitures vont se conduire seules, puis on n'aura plus besoin de toi. » Ouais. Je t'avoue que ça me dérange un peu. Ouais, je suis pas certain qu'on va se rendre là, probablement dans un délai si rapide que ça, là. Ce qui lance un peu la discussion, là, c'est que Ford a annoncé qui, d'ici 2021, je pense, là, ils vont avoir des... ils travaillent présentement sur des flottes de voitures autonomes pour l'autopartage et des choses comme ça. Il y a Uber... En fait, c'est essentiellement des voitures taxi. Ouais, c'est ça. Ils veulent lancer, c'est essentiellement des voitures taxi. C'est ça. Uber aussi a annoncé qu'ils vont mettre, puis ça, c'est dans les prochaines semaines, là, sur les rues de Pittsburgh, des Volvo XC90 qui ont été modifiées avec des technologies de conduite autonome. Donc, la voiture va pouvoir tout faire tout seul. Le seul problème, c'est que les lois, présentement, n'autorisent pas les voitures à pas avoir de conducteur. Donc, il faut quand même qu'il y ait un conducteur en arrière du volant. J'ai l'impression qu'il va trouver ses journées peut-être un petit peu longues ou sinon très, très occupées. On ne sait jamais ce que ça va donner. Mais... on dirait que vraiment, tu sais, les taxis qui chiolaient à Montréal que Uber, ça volait des jobs et Uber, avec raison, je ne dis pas que ce n'est pas de raison, là, mais là, on s'enligne vers quelque chose d'encore pire. On s'enligne vers plus de conducteurs pantoute. Je me demande si les conducteurs d'Uber trouvent ça drôle, eux autres, parce que là, présentement, les lois disent pas le droit de voiture sans conducteur du tout, mais la loi va probablement changer un coup qu'on va prouver que les technologies sont là et sont viables et fiables. Je sais pas, ça, être chauffeur de taxi, ça me rendrait un peu nerveux. Ben, en fait, tu vois, c'est probablement, mais le secteur où, oui, effectivement, il y a le plus de risques par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est vraiment les chauffeurs de taxi qui sont probablement les plus menacés face à ça. Pourquoi? Parce que actuellement, la loi permet, tu l'as dit, là, permet pas de pas avoir de chauffeur, ça c'est ouais, clair. Ouais. Mais elle force aussi les véhicules à être admissible sur des trajectoires prédéterminées. C'est ça. Donc, tu peux utiliser les voitures dans tel ou tel contexte, mais à condition d'avoir une trajectoire prédéterminée. C'est ça. C'est sûr, si on prend comme une place comme Pittsburgh, qui est quand même un cercle fermé, là, c'est une ville qui est déterminée par « on sort pas de telle place ». Et Pittsburgh, il y a beaucoup de ponts et de rivières. Donc, tu dis à la voiture, ben, ce pont-là, tu traverses pas ce périmètre-là. Puis tu cartographies vraiment précisément toutes les rues en dessous. C'est des vitesses qui sont normalement limitées en ville, donc c'est pas tellement rapide. Donc c'est là que les voitures autonomes sont normalement les plus efficaces quand c'est pas trop vite. Le temps de réaction est moins rapide que si tu es sur l'autoroute à 120 km/h. C'est vraiment dans un environnement plus contrôlé. C'est probablement l'idéal pour la voiture autonome. Mais en fait, c'est actuellement tout ce qui est permis. Ouais. Mais c'est là la nuance, c'est que Ford, quand ils parlent en 2021, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est vraiment de produire des véhicules qui, eux, n'ont pas de conducteur, n'ont ni volant ni pédale, en fait. Oui, c'est ça. La version que Ford propose, c'est celle-là, là. C'est ni volant ni pédale. Donc, on parle vraiment de véhicules qui sont complètement, complètement autonomes et qui sont capables de se diriger d'eux-mêmes. Honnêtement, moi, j'ai un doute. OK? Je suis très pas très optimiste à l'égard de ce type de technologie-là. J'ai toujours considéré qu'il y a une bonne partie du jugement dans la conduite automobile. Tu vas me dire qu'un ordinateur est capable de réagir probablement plus rapidement que nous. C'est vrai. Ouais. Dans certaines mesures, c'est vrai. N'empêche que j'ai un peu de difficulté à me demander quel type de jugement. Tu sais, et j'en reviens toujours à la fameuse question de la responsabilité de l'accident et du choix de l'accident. Mais c'est un peu pourquoi présentement la loi n'autorise pas une voiture autonome, c'est flou. Si la voiture autonome a un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur parce que l'algorithme n'est pas bon ou c'est le propriétaire de la voiture? C'est quoi? Mais ça, c'est une des questions. L'autre question qu'on peut se poser, c'est, tu sais, je donne souvent l'exemple. Tu t'en vas sur une route de campagne, tu as un virage aveugle à 90 degrés. Donc, tu ne vois pas ce qu'il y a l'autre bord. Mm-hmm. Tu roules 90 km/h, qui est la limite. Tu arrives de l'autre côté, il y a un autobus d'enfants couché sur le côté qui bloque la rue. Ouais. OK? Tu as le choix. À ta droite, tu as un mur. À gauche, tu as une falaise où tu tombes en bas. Puis en ligne droite, tu rentres dans l'autobus, mais évidemment, tu risques de blesser considérablement des enfants. Ouais. Tu fais quoi? Ben, théoriquement, l'être humain va dire je vais aller dans le mur parce que Exactement. la falaise, je meurs, je veux pas blesser des enfants. Advienne que pourra, je pogne le mur. Ouais. Mais la voiture, elle, est destinée et programmée de façon à éliminer les blessures au conducteur. Or, la partie la plus sécuritaire pour le conducteur, c'est de rentrer dans l'autobus. Oui, en ligne droite. Fait que, il y a toute une question de morale à se poser aussi, là. Qui va faire ce choix-là? C'est l'ingénieur qui va préprogrammer la voiture, qui va choisir pour toi? Mm-hmm. Et là, ben, ça pose toute la question de est-ce que j'ai blessé des gens? Est-ce que ma voiture a blessé des gens? Alors, c'est au-delà de la responsabilité au sens légal du terme, tu as la notion de responsabilité à l'égard de la fonction elle-même. Je vais-tu blesser quelqu'un? T'sais, quel choix je vais faire? Ouais. Et là, je donne un exemple qui est caricatural, mais évidemment, on pourrait nommer des dizaines d'exemples dans la vie de tous les jours où ça se produit et où il y a des choix de cette nature-là à faire. Ouais. Alors, de ce côté-là, tu sais, j'ai vraiment un peu de difficulté, moi, à estimer qu'une voiture va être entièrement autonome, à moins, et ça, c'est ce que Audi nous amène actuellement, à moins qu'il y ait une communication profonde entre les voitures et les infrastructures. Ouais, avec Alors, les lumières et tout ça, savoir. Ben, Audi vient de lancer. Est-ce que tu savais que depuis le 1er juin, la Audi A4 et la Audi Q7 sont équipées pour communiquer avec les feux de circulation? Oui, j'ai vu passer ça vite, vite. Bon, alors rapidement, ce que ça fait, c'est qu'ils vont te dire, ben, il reste 30 secondes ou 8 secondes avant que la lumière change. Mais c'est vraiment juste le début, en fait, parce qu'éventuellement, les voitures vont pouvoir communiquer entre elles et communiquer avec toutes les infrastructures. Et là, évidemment, ça va changer considérablement la donne. Mais Ouais. Pour le moment, on n'est pas rendu là encore. En tout cas, bref, disons que moi, les voitures autonomes, je vois ça comme un élément de transport collectif intéressant, mais à titre personnel, avant que ça remplace vraiment nos voitures, écoute, moi, je pense qu'il y a il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts avant que ça n'arrive. Ouais, ben faut dire aussi une grande partie de l'attrait d'avoir une voiture, c'est le plaisir de conduire. Si on aime conduire, on veut conduire. Mais moi, personnellement, j'aurais rien contre le fait que ma voiture m'amène au travail le matin dans le trafic, que je puisse faire autre chose entre-temps. Mais quand que la route se libère et que tu peux avoir un peu de plaisir de conduire, donne-moi le Tu sais, Luc, contrôle. même moi, je te fais pas confiance au volant, fait que je te comprends. Ouais, c'est ça, tu sais, quand même. Bon, on va arrêter là-dessus avant que ça dérape. Marc, on va faire une pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Oui, bonne idée, je pense. Bon, Marc, nous sommes de retour de la pause et ça m'a donné le temps de reprendre un petit peu de l'estime de moi. Et Mon Dieu, ça, c'est pas long. Ouais, non, ça se fait quand même assez bien. J'ai un déficit d'attention, donc tu sais, j'ai pensé à d'autres choses, c'était fini. Donc, on va parler de nos essais de la semaine. Toi, tu as essayé le nouveau Chevrolet Silverado 2016. C'est comment? Ben, écoute, je l'ai toujours d'ailleurs, je l'essaie encore. Okay. Je dois t'avouer que moi, j'aime les pick-up. Oui, okay, j'en ai déjà parlé. C'est ça. J'aime beaucoup ce genre de véhicule-là. Non pas que j'en ai besoin, absolument pas. Là, je veux dire, la seule affaire que je transporte, c'est mes gros chiens qui m'énervent. Fait que je peux transporter dans n'importe quoi. On salue tes gros chiens qui t'énervent. Ouais, d'ailleurs, mais qui courent partout autour de moi à chaque fois que je fais une... je sais pas, on dirait qu'ils te sentent, Luc. Ouais, ça doit être ça. Mais j'ai un chien chez nous aussi, ils doivent sentir le mien, puis tu sais, ils veulent faire copain-copain. Parce qu'à chaque fois que je te parle, là, ils rôdent autour de moi, et c'est sans arrêt, c'est incroyable. En tout cas, bref. Ouais. Tout ça pour dire que j'adore la conduite d'un pick-up. J'aime cette sensation, d'une part, d'être imposante en termes de taille et de dimension. J'entends, c'est vous, j'arrive. Là. J'aime aussi le fait, cette espèce de comment je pourrais dire, ça me rappelle mais les premières fois qu'on conduisait. C'est niaiseux, hein, mais c'est tellement gros, c'est tellement. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter au volant d'un pick-up. Ouais, ça te rappelle les vieilles autos des années 70, ça, tu sais, les gros exactement, chars, là. Bumper c'est ça. En acier, là, puis, okay, ouais. C'est bon. C'est ça. Enfin, j'aime ce feeling-là. Évidemment, les propriétaires, les designers, les ingénieurs qui sont responsables de la conception du Silverado ne m'aimeraient pas d'entendre ça parce qu'ils font des efforts incroyables pour essayer de ramener ça à quelque chose de beaucoup plus proche d'une simple voiture moderne. Ouais, c'est ça. L'idée, en fait, d'ailleurs, c'est avec le Silverado, c'est justement, on l'a tellement raffiné que c'est devenu aujourd'hui un véhicule. Écoute, c'est un véhicule familial. Hein. C'est plus nécessairement un véhicule de travail. Bien sûr, il y a encore des capacités de travail au-delà de toute commune mesure. Là. On s'entend, ça dépend des versions qu'on a, tu sais, mais c'est complètement fou. Mais la notion, vraiment, elle est plus à l'intérieur, tout ce qu'on a mis, tout l'équipement, tout l'électronique, la façon dont ça se conduit. Il y a été des époques où on devait quasiment suivre des cours spécifiques pour être capable de conduire un pick-up parce que ça prenait vraiment une espèce de façon de faire qui était particulière. Aujourd'hui, un pick-up, ça se conduit comme n'importe quelle voiture. Et c'est le cas du Silverado, notamment, qui, en passant, est pas très loin. Il est au troisième rang de tous les véhicules vendus au Canada. Là. C'est pas, on s'entend pour dire que c'est quand même pas un véhicule qui n'est pas populaire. Là. C'est un véhicule qui est bien coté, qui est bien connu. OK. Je t'avoue que dans la famille des pick-up, c'est pas mon préféré en termes de look. Okay? OK, non. Si on le sait, c'est le Dodge Ram ton préféré en termes de look. Exactement. Dodge Ram que j'aurai dans quelques semaines. Mais écoute, moi, j'aime le Ram parce qu'il a l'air d'un gros macho. Ouais. Le Silverado a l'air définitivement plus raffiné. Mm-hmm. On a modifié la calandre avant, qui est magnifique. La grille est super belle. C'est un beau véhicule, là. C'est un très, très beau véhicule. Mais comme je te dis, ça manque un peu de ce que moi j'aime, le côté rough and tough. Là. Du machisme, le côté macho, là, le côté truck. Là. Un côté un peu bum, en fait. Oh, ouais, c'est ça. Il manque à ça. Le Silverado est, je te dirais, le gentleman des pick-up. Faut pas se leurrer, cependant. Là. C'est un véhicule qui est tout à fait capable. Écoute, je m'attarderai pas à la fiche technique si ça te dérange pas parce que, tu vois, je faisais le compte. Il y a à peu près 24 versions différentes. OK. Donc, on fera une émission spéciale à un moment donné. C'est ça. Qui va, bien sûr, du 2 aux 4 roues motrices, du high country à la cabine classique. Bref, si vous voulez un Silverado, ça varie de 28 780 à 60 420. Okay. Si tu arrives chez ton concessionnaire et tu ne sais pas trop ce que tu veux, tu es mieux d'arriver de bonne heure le matin parce qu'il ferme à 9h. Exactement, c'est un peu ça. C'est sûr qu'il y a quand même des choses intéressantes. Tu sais, tu as des moteurs là-dedans, tu as plusieurs choix de moteurs. Tu as un V6, par exemple, 4,3 litres de 285 chevaux. Ça, c'est la version du modèle de base. Tu as un V8 de 5,3 litres qui, à mon sens, est probablement le plus agréable. 355 chevaux, 383 livres-pieds de couple. Boîte automatique 8 rapports. Donc, c'est probablement celui qui est le plus polyvalent dans sa façon d'être. Remorquage, 11 800 livres. Ça veut dire que tu es capable de littéralement traîner ton cabanon, même s'il est plein de stock comme le mien. Oui, oui, ça, c'est pas un problème. Ouais. Alors, tu sais, ça, c'est vraiment pas un problème. Même chose au niveau de la capacité de charge. Et bien sûr, tu as les purs et durs là, qui vont aller chercher le V8, 6,2 litres, 420 chevaux. 460 livres pieds de coupe. Et là, écoute, tu pourrais remarquer un peu plus de 13 000 livres. Puis, tu peux quasiment tirer ta maison. Ça, tu veux pas vendre ta maison, tu veux juste la déménager au complet. On a le camion pour toi. Ça, c'est ceux qui n'ont pas compris c'était quoi du camping avec une c'est ça. Moi, j'amène ma maison au camping. Exactement. Ouais. Donc, tu sais, comme je te dis, mécaniquement, c'est un véhicule qui a à peu près toutes les possibilités et dont les moteurs, surtout en fait le V8 de milieu de gamme, sont relativement efficaces, non seulement en termes de puissance, mais en termes de consommation de carburant. Okay. Tu sais, je me suis pas ruiné avec un Silverado jusqu'à date. Ça fait le travail tout à fait. Autre avantage, je l'ai dit, c'est un véhicule familial. Donc, beaucoup, beaucoup d'espace à l'intérieur, beaucoup de confort aussi. On a ajouté, bien sûr, toutes les technologies. Moi, j'ai la version haut de gamme, là. Donc, on a ajouté toutes les technologies, incluant, par exemple, la recharge par induction pour les téléphones Android ou Apple qui sont dotés du bon petit case. Mm-hmm. Bien sûr, les systèmes multimédia que l'on connaît bien chez GM. Tu sais, là, on a vraiment fait un très bon travail au niveau de l'équipement, au niveau de l'accessoirisation du véhicule. Ouais. En matière de confort, écoute, ça demeure un véhicule quand même intéressant. C'est un véhicule qui n'est pas trop sautillant, donc que l'on peut facilement aller conduire en toutes circonstances. Au niveau du comportement, ben écoute, ça demeure un pick-up. Hein. Donc, c'est sûr que tu n'as pas une conduite extrêmement dynamique. Mais dans les faits, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un véhicule qui se veut à la fois polyvalent en termes de capacité de travail, mais aussi comme ce qu'on peut faire en famille, honnêtement, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et que je vais continuer d'apprécier tout au long de la fin de semaine. Je m'en vais sur une espèce de road trip dans le canton de l'Est et je vais le tester un peu mieux. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, je le trouve très bien. Je le répète, la différence, c'est vraiment une question, à mon avis, de sensation et de look, parce que je ne peux pas te dire qu'il y a une différence vraiment marquée avec ses rivaux en termes de performance. Puis côté consommation d'essence? Ben, côté consommation d'essence, comme je te l'ai dit, je me suis loin d'être ruiné. Okay, c'est quand même... Tu sais, écoute, on s'entend là pour dire que c'est pas une Toyota Yaris, là. Non. tu vois, si tu prends, selon les modèles que tu prends, si tu prends le petit V6, par exemple, tu vas faire, selon le fabricant, là, 11,9 litres au 100 en ville. OK. Ce qui est quand même, ma foi, relativement intéressant. Mm-hmm. C'est sûr que si tu vas chercher plus gros, plus tu vas conduire gros, plus évidemment tu vas payer pour l'essence. Oui, c'est clair. C'est 13,3 par exemple avec un V8, le V8 de milieu de gamme. Mais bien entendu, ça c'est quand on roule à l'aige. Okay. Alors comme tu vois, c'est un véhicule que moi j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas testé en termes de capacité de travail, je l'admets. Comme véhicule de tous les jours, j'ai apprécié. Véhicule de tous les jours d'ailleurs qui aurait pu me servir à te transporter toi sans que tu aies même besoin de conduire, si j'ai bien compris. Ben oui, c'est ça que je pensais justement. J'aurais pu mettre la Mazda MX-5 que je conduisais dans la boîte de ton Silverado, puis j'aurais encore survécu sur l'essence, même si la MX-5 est quand même assez frugale. Ça ne boit pas nécessairement beaucoup d'essence. Moi, j'ai eu la nouvelle Mazda MX-5, aussi qu'on appelle aussi Miata. J'aime tellement le nom Miata. Je trouve ça plate que Mazda ne l'utilise plus. Mais bon, quand même. Véhicule deux places, donc petite voiture sport deux places. Marc, tu en as déjà parlé. Je pense que les gens connaissent la Mazda MX-5. Là, c'est une voiture qui est quand même légendaire. Voiture qui est, pour l'instant, toute seule dans sa catégorie. Il n'y a vraiment rien de comparable directement. Oui, il y a des choses qui peuvent peut-être s'en approcher, mais dans ce type de voiture-là, roadster, voiture convertible sport, dans ces tarifs-là, il n'y a vraiment rien. Il y a, gamme de prix entre 33 807 pour le modèle de base, puis le modèle le plus équipé est 41 107. C'est sûr, il y a toujours moyen d'avoir des options aussi. Disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 6 rapports aussi. Puis si vous allez avec la version haut de gamme, là, la version GT, vous allez avoir des palettes de changement de vitesse au volant. Selon le site de Mazda, la boîte manuelle ou la boîte automatique ne ferait pas que la voiture serait plus chère, peu importe la boîte de vitesse que vous choisissez. C'est une voiture qui est très, très dynamique. C'est une voiture qui est très, très intéressante. Pas hyper puissante, mais comme on en a déjà parlé, c'est pas la vocation de cette voiture-là d'être la plus rapide sur le 0-100 ou la plus rapide en piste. Son but, c'est d'être amusante à conduire. Et ça, c'est une chose que la Mazda MX-5 a toujours réussi. Aussi loin que j'ai pu conduire les MX-5 ou les Miata, j'ai toujours trouvé que c'est une voiture qui était agréable, dynamique. À 50 km/h sur une petite route de campagne sinueuse, vous avez autant de plaisir qu'à 150 km/h sur une piste avec une voiture un petit peu plus grosse. Là. C'est vraiment... Ça s'appelle le Jimba Itai. Oui, oui, le cavalier et sa monture, je sais. Le cavalier qui ne fait qu'un avec sa monture. Oui, c'est vraiment une voiture qui est intéressante. C'est vraiment, on ressent ça quand on est dedans. C'est sûr et certain, je ne suis pas la minceur incarnée. Donc, embarquer et débarquer de la voiture est peut-être pas un challenge, mais c'est pas nécessairement élégant. Mais un coup qu'on est installé, on est vraiment, vraiment confortable. Moi, j'avais une version GS, donc la version milieu de gamme, qui est à 37 207 de base, avec l'équipement qui était le modèle sport qu'on appelle. Donc, c'est des sièges Recaro, c'est des freins Brembo et c'est des jantes de couleur noire ou anthracite, là. Ça donne vraiment un beau look à la voiture. Ça monte le prix considérablement. Par exemple, je pense que c'est 4 400 le prix. Effectivement, c'est beaucoup. C'est pas mal. Honnêtement, la différence n'est pas si intense. Là. Non. Mais ça donne quand même un beau look à la voiture. Les roues sont vraiment belles. Les sièges sont hyper confortables pour des sièges Recaro. Les sièges Recaro, c'est pas toujours confortable. Des fois, tu as l'impression que tu es dans une petite boîte assez serrée. Ceux-là, c'est pas le cas. J'ai vraiment apprécié la voiture. Il y a certains petits bémols, là. Le système de divertissement, c'est correct, mais avec une transmission manuelle, je me suis ramassé des fois à peser sur le bouton du central quand je ne voulais pas nécessairement. Les portes-gobelets, c'est limite. C'est limite pratique parce que sont vraiment à côté du siège, donc vraiment complètement au fond de la voiture. Si vous êtes tout seul puis vous voulez aller chercher votre café, je vous conseille d'utiliser le porte-gobelet du passager parce que c'est plus facile d'aller le chercher parce qu'il est un peu plus loin puis on peut vraiment plier notre coude puis aller le chercher que celui qui est vraiment à côté de vous parce que c'est vraiment égal à votre épaule quand vous êtes assis, c'est collé sur votre siège. Fait que c'est pas la. Quand vous roulez, là. Aller chercher votre café, c'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire. Tu sais que tu ne devrais pas avoir de porte-gobelet quand tu roules. Hein. Non. Par contre, je suis obligé de t'apporter une petite correction. Hein. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué, je t'en avais parlé. Les porte-gobelets qui sont à l'arrière sont amovibles. Oui, tu peux Tu les peux enlever. l'enlever. Oui. Et quand tu l'enlèves, du côté passager, il y a une espèce de fente dans la colonne centrale, si tu veux, où tu peux insérer ton porte-gobelet. Donc, quand tu es seul, Oui. tu peux l'insérer du côté passager. Il est beaucoup plus facilement accessible. Ah, tu vois, ça, j'avais pas remarqué. J'ai pas osé tirer dessus. Je me suis dit, si je casse ça, Mazda sera pas content. J'ai pas touché. Fait que, OK, c'est bon, bon bémol. La seule chose que j'ai aussi, c'est volant est ajustable en hauteur, mais il est pas télescopique. Ça aurait peut-être été le fun, un volant télescopique. Quoique, ça tue pas le fait que je m'achèterais la voiture demain matin, pareil. Puis autre chose, je sais pas si tu as remarqué, côté passager, c'est probablement le design, la mécanique en dessous qui nécessite ça, mais il y a une espèce de grosse bosse qui passe de la colonne centrale, puis qui s'en va du côté passager, puis ça enlève vraiment de l'espace pour les jambes du côté passager. Puis je m'en serais jamais aperçu si ma conjointe s'était pas assise en disant, ben, je suis pas confortable, je sais pas où placer ma jambe, faut que je place ma jambe comme plus vers la portière. Je sais pas si tu as remarqué ça ou si tu as eu le même commentaire de quelqu'un, toi. Non, honnêtement, mon épouse m'en a pas parlé et ça m'étonne un peu parce qu'elle a tendance à être assez agressive sur Locasse? sur ce genre de choses-là. OK. Mais en fait, c'est en partie dicté par la nouvelle configuration aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est la MX-5, elle est construite de façon à éliminer à peu près tout ce qu'il y a comme roulis. Et pour améliorer ça, on a rapproché les deux bancs, notamment le banc du conducteur, un peu plus vers le centre. Okay. Donc, quand on regarde par rapport aux anciennes générations, on conduisait comme plus à l'extérieur de la voiture. Maintenant, on est vraiment plus proche du milieu. Ce que ça fait, c'est qu'évidemment, ton centre de gravité bouge moins, là. Okay. Mais en tout cas, c'est pas, comme on dit, c'est pas un deal breaker. C'est pas quelque chose qui m'empêcherait d'acheter cette voiture-là. C'est une voiture où les défauts sont tellement minimes que comparativement à ses qualités, qu'on voit presque juste les qualités, là, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'empêcherait, là. Bien, en fait, c'est exactement ça. C'est que c'est une voiture que tu achètes en sachant ce que tu veux. Ouais, Tu sais, dès exactement. le départ, tu sais à quoi tu t'attends, tu sais dans quel cadre tu vas avoir cette voiture-là. Donc, c'est le genre de petit défaut qui passe assez bien. Et tu as tellement de plaisir au volant. Je l'avoue, moi aussi, là, c'est le genre de voiture c'est le genre de jouet que je m'achèterais pour l'été si j'avais le budget pour ce genre de véhicule-là, là, tu sais. Ah, clairement. Puis je suis descendu voir ma sœur avec, puis elle a complètement capoté. Elle tombe en amour avec cette voiture-là. Fait que je sais pas si elle aura le budget pour s'en acheter une à un moment donné, mais elle a vraiment, vraiment trippé, là. Puis côté consommation, faut que j'avoue, j'ai vraiment pas fait attention, là. Je démarrais assez rapidement puis je la conduisais dynamiquement sans dépasser les limites de vitesse et sans être dangereux non plus. J'ai pas commencé à faire du drift et des choses comme ça, là. Puis j'ai eu une consommation moyenne de 6,9 litres au 100 km. Donc, Oh, ça, c'est très, très bon parce que je t'avoue que bon, j'ai probablement fait encore moins attention que toi, mais je n'ai pas été capable d'atteindre aussi bas, là. c'est ça. Mazda avec la transmission manuelle, ce que j'avais, là, tu parles de 8,8 en ville, 6,9 sur route, ce que j'ai atteint, 6,9. Puis avec l'automatique, on parle de 8,9 en ville, puis 6,5 sur route. Donc, je suis vraiment pas mal dedans, là. Puis, je veux dire, de temps en temps, je me faisais plaisir, là. Puis j'ai conduit 90% du temps avec le toit baissé. J'ai été un petit peu de pluie, j'ai été obligé de fermer le toit, mais le restant du temps, le toit baissé. C'est vraiment magnifique et merveilleux. Fait que c'est ça. Belle voiture, si vous avez moyen, je suis jaloux, puis allez vous en acheter une. Fait que Marc, on va arrêter là-dessus, puis on va revenir avec notre chronique sur est-ce qu'il y a vraiment un bon temps maintenant pour acheter une voiture? Ben, on s'en parle après la pause. Nous sommes de retour et Marc, on avait parlé de ça sur la dernière émission. On avait dit à un moment donné, il faudrait faire une chronique sur c'est quand le bon temps pour acheter une voiture, on va changer ça un peu, est-ce qu'il y a encore un bon temps pour acheter une voiture? Déjà, on parlait, les fins de mois, les fins de corps, les fins d'année. Surtout si tu veux acheter une voiture qui est peut-être en compétition pour être voiture la plus vendue au Canada ou au monde ou dans l'univers ou peu importe. Y a-tu encore un bon temps? Est-ce que c'est encore valide de penser comme ça? Ben, en fait, tout ce que tu viens de dire est exactement vrai. Bon, ben on a fini. On fait une pause, on revient, non? C'est un peu ça. En fait, la chose qu'il faut considérer, c'est qu'il n'y a plus... Tu sais, avant, là, les nouvelles autos sortaient au mois de septembre. Ouais, ben oui. Fait que tout le monde s'agarrochait pour acheter sa voiture en août et septembre, soit parce qu'il y avait les nouveautés, puis que dans bien des cas, il y avait des promotions de lancement, soit parce qu'il achetait la voiture de l'année précédente, puis il se disait, le gars veut se débarrasser de son inventaire, fait que il va me faire un bon prix pour s'en débarrasser. Ouais. Ce qui n'est pas faux, le problème, c'est qu'il n'y a plus de période comme le mois de septembre d'auparavant. Tu le vois comme moi, les lancements de voitures maintenant sont répartis 12 mois par année. Ouais. On ne s'arrête plus au mois de septembre. C'est pas vrai que les nouveautés vont toutes arriver dans 3 semaines. La plupart sont déjà arrivées. Il y en aura d'autres tout au long de l'année. Bref, on est plus comme avant dans cette espèce de format d'une période très, très précise. Par contre, là où tu avais raison, c'est que oui, les fins d'année, oui, les fins de quart, oui, les fins d'inventaire, c'est toujours intéressant et ça continue de l'être. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est là, par exemple, que l'on va choisir. Tu sais, c'est plate à dire, là, mais les concessionnaires, on leur donne des objectifs à faire. Oui, okay? C'est ça. Des objectifs qui sont des objectifs mensuels. Oui. Fait que quand ils n'ont pas atteint leur objectif, c'est un gros problème parce que ça peut les pénaliser par la suite pour l'obtention de certains modèles. Alors, okay. Je te donne un exemple. Ouais. Tes concessionnaires, mettons Fiat Chrysler Dodge, mm-hmm. Tu veux avoir le Dodge Challenger Hellcat, tu sais qu'il y en a peut-être 200 au Canada qui vont être disponibles, mais si tu n'as pas atteint tes objectifs de vente de ta Dodge Dart le mois passé, ben Dodge va dire, regarde mon grand, tu n'es pas tout à fait à la bonne place, faudrait que tu atteignes tes objectifs de vente, puis après on va te considérer sur notre A-list pour avoir des véhicules d'exception. Ouais, sinon, meilleure chance la prochaine fois. Ouais. C'est ça. Alors les gars ont tous intérêt à essayer d'atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible et dans des conditions qui sont évidemment intéressantes pour tout le monde. Donc, quand arrivent les fins de mois, quand arrivent les fins de période comme ça, oui, c'est vrai, c'est le temps d'aller magasiner. Ouais. Oui, parce qu'un concessionnaire serait même prêt à ne pas faire de profit du tout sur une voiture pour atteindre son quota. À un moment donné. Exactement. Ça, c'est une des considérations. Deuxième considération, c'est aussi le début de mois. Et là, on est un peu contradictoire, mais... Mais tu vas magasiner le 31, puis tu y retournes le 1er. Bien, c'est un peu ça. En fait, ouais. C'est que souvent, si tu y vas le 30, mm-hmm. Demande à ton vendeur, c'est quoi la promotion pour le mois suivant? Oui. Parce que souvent, ils le savent d'avance. Oh, une couple de jours d'avance, oui. C'est ça. Ils vont être en mesure de dire, ben écoute, si tu attends un peu, tu vas avoir 3 000, 4 000 de rabais si tu payes comptant. Tu vas avoir bon, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, à mon sens, le meilleur moyen de magasiner. Quant à savoir, bon, oui, l'inventaire des anciens modèles, est-ce que ça vaut la peine? Oui, bien sûr, ça vaut la peine. Mais le faire, c'est de se pénaliser soi-même. Hein? Rappelle-toi que, mettons que tu vas en septembre acheter une voiture, actuellement une 2016, parce que tu sais que le 2017 est arrivé, mm-hmm. C'est vrai que tu vas probablement payer moins cher, mais tu dois faire un calcul extrêmement important. Est-ce que la valeur de revente va diminuer d'autant? C'est ça. Voulez-vous le garder longtemps, le véhicule, ou dans 3 ans, vous allez être tanné, vous allez le revendre? C'est ça. Et rappelez-vous que votre voiture vient de vieillir d'un an aussitôt que vous la sortez de la cour. Oui, puis perdre minimum le prix des taxes. Ah oui, c'est plus que ça. Oh, ouais, souvent, la première année, c'est 21% en moyenne la perte. Oh, oui, c'est clair. C'est alors clair. Ça veut dire que si tu achètes un char de 100 000 $ quand tu es rendu l'autre bord du trottoir, il est rendu à 79 000. Oui. Tu sais, si on décidé, calcule là. Ça. Oui, faut en être chiffre, en chiffre officiel, c'est ça. Ouais. Alors la question, c'est donc, est-ce que la valeur de revente est pour vous un facteur important? Si oui, bien évidemment, faites pas ça. N'allez pas chercher la voiture de l'année précédente parce qu'elle va perdre de sa valeur très, très, très, très, très rapidement, vraiment à un niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ouais. Fait, est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a une période dans l'année plus que d'autres pour acheter? La réponse, malheureusement, c'est non. Ça n'existe plus, ces périodes-là. Il faut donc prendre le temps d'aller magasiner. Par contre, on a un petit outil qui est super intéressant pour faire ça. Okay. Ça s'appelle Internet. Oui, oui, aujourd'hui, oui. Je le sais, je l'ai utilisé pour magasiner la voiture de ma belle-sœur dont on parlait justement la semaine passée. Ben, tu vois, et En fait, sur Internet, vous avez accès aux programmes qui sont fournis par les manufacturiers. Vous êtes en mesure de voir donc quelles sont les particularités et les capacités de financement ou de remise au comptant ou de trucs qui vous sont faits. Et ça vous donne aussi, très souvent, par exemple, on va annoncer d'avance le prix de la nouvelle 2017 alors qu'on est en 2016. Ça sera donc à vous de déterminer quelle est la capacité. C'est sûr que, tu sais, il n'y a pas de séance exacte, là. Vous allez vous rendre chez votre concessionnaire et vous allez négocier. Vous allez avoir un prix spécifique pour une voiture spécifique. C'est pas nécessairement le même que vous allez voir sur Internet. Il y a quand même des choses importantes à rappeler. On en parle souvent, mais on va quand même le dire. Le prix que l'on affiche doit obligatoirement comprendre la taxe et la préparation. Oui. Pas la taxe, mais le transport et la préparation. Au Québec seulement. Au Québec seulement. Donc, oui. Le prix affiché, c'est le prix qui inclut transport et préparation. Ça, c'est important parce que ça peut jouer jusqu'à 2000 $ de différence dans un cas. Donc, quand vous allez magasiner sur Internet, n'oubliez jamais que ça, c'est inclus. Ce qui est inclus aussi, c'est le 100 $ s'il y a une climatisation. Il y a un 100 $ de taxe d'assises qui est inclus à l'intérieur aussi. Mm-hmm. Il n'y a pas des frais pour les pneus aussi ou quelque chose comme ça? Frais, bon, là, les frais pour les pneus, le concessionnaire a le choix de les inclure tout de suite ou de ne pas les inclure. OK. Ça, il y a le choix parce que souvent, les gars vont les payer puis ne les factureront pas au client, tout simplement. Okay. Donc, ça va créer un autre climat. Ce qui n'est pas inclus, bien entendu, ben, c'est la série d'options que vous allez faire. Pitoune comme toi, tu prends toutes les options grand luxe. Non, moi, je clique dans ma Mirage, je veux du cuir, je veux la radio satellite, je veux un toit ouvrant panoramique. Fait que finalement, elle est 42 000 quand j'ai fini. Mais non, mais sérieusement, alors évidemment, ces options-là et évidemment les incontournables taxes, ça fait aussi partie. Oui, oubliez l'autre pas, chose. Sur les sites, vous pouvez toujours cliquer « Ajouter le montant des taxes dans le paiement » parce que souvent, « Ah ouais, juste 250$ par mois. » Oui, mais vous avez oublié la petite coche qui rajoute 15%. C'est ça. Oubliez pas. Autre chose, les gens s'imaginent que les concessionnaires font 50% de profit sur leur véhicule. Non, c'est pas le cas. Oubliez ça. Ce n'est pas vrai. Non. Donc, si vous imaginez que vous allez aller négocier puis vous allez obtenir un 25-30% de rabais en négociant, oubliez ça, c'est complètement faux. Ouais. Il y a des véhicules, on dit qu'en moyenne, un véhicule de 20 000 $ là, rapporte au concessionnaire à peu près 1 400 $ Ouais. Ça, c'est si vous négociez pas. Non, ça, c'est si vous négociez pas, là, le prix, le PDSF, là, il fait 1 400$ avec. Ouais. Là-dessus, il doit payer son employé, donc payer la commission au vendeur, ce qui est normal. Tout le monde aime ça être payé quand il travaille. Ouais. Pas pire. Et il faut aussi qu'il paye tous ses frais, incluant ses frais de financement. Parce que dites-vous que la voiture que vous achetez qu'il y a dans sa cour, ça fait peut-être 60 jours qu'elle est là. Ouais, ça, c'est si chanceux, là. C'est ça. Ouais. Mais 60 jours, lui, doit financer pendant 2 mois le coût de cette voiture-là. Ouais. Juste pour dire, quand je magasinais avec ma belle-sœur, il y avait une voiture qui était sur le terrain depuis 360 jours. Bon, tu vois, alors ça, c'est un an. Ils veulent s'en débarrasser. Oui, mais c'est un an d'intérêt que le concessionnaire doit payer. Ouais. Alors évidemment, ça s'inclut dans le 1 500$, mettons, de profit qu'il fait. Alors tu sais, on est rendu qu'il n'en reste pas tant que ça à l'intérieur, puis après ça, ben, tous les frais fixes et tout. Donc, net, le concessionnaire, évidemment, ne fait pas tant de profit que ça. Non, non. Enfin, un peu, là. On ne pleurera pas personne pour les concessionnaires parce qu'ils ne font pas d'argent, là. Ils en font de l'argent. Oui, mais objectivement, il reste une couple de 100$ sur chaque voiture vendue. Là. Il reste c'est ça. Pas. Non, non. C'est ça. Alors, ne vous attendez pas à avoir des rabais de 4 000$ à moins que ce soit le manufacturier lui-même qui les impose. Exact. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller magasiner en ligne. Parce que souvent, c'est là qu'ils sont mentionnés. Ouais. C'est là que c'est le plus facile d'avoir ce type de rabais. Alors, comme tu vois, magasiner, puis tu le sais, tu l'as fait avec ta belle-sœur. Magasiner une voiture, c'est une science. Avoir le meilleur prix, c'est une science. La règle d'or numéro 1 là-dedans, elle est simple. Trouvez-vous un concessionnaire en qui vous avez confiance. Oui, c'est ce qui est difficile des fois. Oui, mais c'est aussi facile que ça. Une fois que vous avez trouvé un concessionnaire en qui vous avez confiance, dites-vous que le gars n'est pas assez cave pour vous vendre la voiture plus chère que n'importe qui d'autre. Puis qui va s'organiser pour que vous soyez content. Pourquoi? Parce qu'après ça, vous allez aller faire votre service chez lui. Et là, le service pour lui, c'est plus payant. Les garanties et ces choses-là, c'est définitivement plus payant. Donc, assurez-vous d'avoir un concessionnaire en qui vous avez confiance. C'est probablement la clé. C'est la meilleure solution, en fait, pour ce genre de choses-là. Quant à savoir à quelle période de l'année, ben, on l'a dit, il n'y en a plus vraiment dans cette, dans notre ère moderne, les nouveautés arrivent, donc c'est pas nécessairement une période spécifique, sauf peut-être, comme je l'ai dit, les fins de mois, les fins de quota et les programmes. Sauf que rappelez-vous que pour une nouveauté, oui, c'est vrai que souvent, il y a des programmes de lancement. Par contre, quand vous achetez une voiture qui est un peu moins nouvelle, qui en est à sa deuxième année, par exemple, on va souvent vous donner quelques milliers de dollars de rabais sur des, si vous payez comptant. Oui, c'est ça. Il y a toujours le prix au comptant, il y a la location, il y a le financement sur achat. Des fois, il y a la location avec option d'achat. Il y a plusieurs options maintenant. Oui, mais on parlait de 0 % ou le comptant, là. Mm-hmm. Faites le calcul, hein. Oui. Ça vaut la peine. Parce que, par exemple, bon, ben, je donne l'exemple, ma fille s'est achetée une voiture et on lui offrait soit 0 % soit 4 000 $ de rabais sur la voiture. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est présentée dans une institution financière ordinaire, elle est allée voir combien ça lui coûtait d'emprunter le même montant et elle s'est aperçue que c'était plus rentable pour elle de prendre le 0 % du concessionnaire. Oui, ce qui n'est pas Parce toujours le cas, mais oui. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça vaut la peine de faire la démarche et d'aller le vérifier. Oui. Parce qu'effectivement, vous allez vous retrouver avec pas mal plus de... En tout cas, vous allez avoir une meilleure conscience, disons, là, par rapport à tout cela. Ouais. Donc, vous serez sûr que vous aurez le meilleur montant, le meilleur prix pour la voiture que vous avez achetée. Puis, regardez toujours aussi s'il y a des rabais auxquels vous avez le droit. Souvent, sur les sites du constructeur, je prends comme, mettons, exemple, Mazda, vous avez des rabais pour étudiants ou des choses comme ça, des rabais de fidélité, des fois. Si vous aviez déjà une Mazda, vous pouvez avoir un rabais parce que vous achetez une autre Mazda. Il y a toutes sortes de rabais. Des fois, comme vous êtes membre Costco, ben Ford, vous êtes capable d'avoir un 1 000 de plus. Puis, c'est applicable, même si c'est le prix employé, le 1 000 est applicable quand même, des fois. Fait qu'il y a plusieurs choses. Vérifiez avec vos employeurs. Si vous êtes dans une grosse compagnie comme moi, mon travail de 9 à 5, ma compagnie est quand même assez grosse. Puis j'ai le droit à un rabais chez Ford, j'ai le droit à un rabais chez GM, j'ai le droit à un rabais chez Chrysler. Informez-vous à vos ressources humaines si vous êtes dans une grosse compagnie à voir si vous pouvez aussi avoir ça. Donc, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir avec les nouvelles. Bien sûr, mon cher. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, dernier bloc de l'émission, c'est l'heure des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de choses cette semaine. Une des choses qui se passe, en fait, c'est on se prépare pour Pebble Beach. Pebble Beach, c'est peut-être que tu ne le sais pas, c'est probablement le plus beau, la plus belle semaine de dévoilement de voitures particulières. Pourquoi je dis ça? Parce que ça se passe bien sûr en Californie, mm-hmm. sur l'espèce de terrain de golf, et c'est le concours d'élégance parmi les plus raffinés au monde. On y présente là des voitures absolument incroyables, des voitures de collection qui valent souvent plusieurs millions de dollars, donc on est vraiment là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de manufacturiers en profitent pour faire des annonces particulières aussi, mm-hmm. à l'égard de ce qui se passe à Pebble Beach. Par exemple, on vient tout juste d'apprendre, là, c'est presque en direct. C'est en cours, que, ça. Ouais, c'est ça, que Ford a décidé de prolonger la production de la Ford GT. On le sait, on l'avait limité à 400 exemplaires, 450 exemplaires de mémoire. Donc, on a décidé de la prolonger. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est une voiture qui est excessivement populaire. Mm-hmm. Et, bon... on disait à la blague hors d'onde qu'il fallait presque passer un test de paternité pour avoir le droit d'en acheter une. Oui, c'était assez difficile. Écoute, on évaluait tout, là. On évaluait non seulement ton historique avec Ford, mais on évaluait même ta présence sur les médias sociaux, mm-hmm. Parce qu'on voulait que les gens fassent ça. Donc, évidemment, ça fait partie des choses qu'on a voulu faire. Donc, ceci étant dit, on a décidé de prolonger pendant 2 ans la production de la nouvelle voiture à raison de 250 par année. Il y aura donc de nouveaux clients qui vont être contents, sauf que on ne pense pas que ça va pour autant diminuer les critères de sélection des gens qui vont être autorisés à s'en acheter. Donc, on verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle pour les amateurs. Mais il y a un message directement qui est pour toi dans le communiqué de presse. C'est marqué « Les clients potentiels ayant déjà présenté une demande d'achat pour la Ford GT n'auront qu'à mettre à jour leur requête lorsque la prochaine période d'inscription débutera au début de 2018. » Fait que t'as le temps de repenser à tes affaires, non? Est-ce que je dois vraiment répondre à ça, là, ou non? Hein? Quelle couleur tu l'as pris? Non? Okay. C'est bon. Toujours à Pebble Beach, il faut voir que c'est l'endroit, évidemment, pour présenter des voitures de grand luxe. C'est le cas, par exemple, de Mercedes-Benz, qui nous présente une voiture qui est absolument spectaculaire. Elle s'appelle la Mercedes-Maybach 6. C'est un coupé de grand format. C'est vraiment une voiture. Il faut la voir, là. Elle est absolument, vraiment spectaculaire en termes de look. C'est une auto qui mérite vraiment tout ce qu'on peut considérer. Tu sais, Maybach a toujours été une voiture qui était très exclusive dans sa forme. On le sait, à part Céline Dion, je ne connais pas grand monde qui en avait. Mais c'est des voitures qui sont absolument fabuleuses. Dans ce cas-ci, on parle d'un 2 plus 2, donc un coupé 4 places qui est absolument, absolument incroyable. On dit en plus que c'est un système électrique qui est à l'intérieur, qui va développer la bagatelle de 750 chevaux pour une distance de plus de 500 km. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Mais c'est moi, honnêtement, la motorisation électrique, tu sais, sur la plupart des concepts, on est rendu là, là. Donc, c'est vraiment plus le style de la voiture qui m'a attiré et qui vraiment souligne toute la capacité de design de la firme de Mercedes-Benz. Non, et on s'entend qu'ils sont capables de faire de magnifiques voitures. C'est ça. Parlant look, mais là, on est loin de l'électrique et toujours à Pebble Beach, mais c'est Cadillac qui a présenté sa nouvelle échelle. Pourquoi échelle? Parce qu'elle présente en fait la nouvelle Escala et non pas Escalade de Cadillac. Et Escala veut dire échelle en espagnol. L'idée, en fait, c'est qu'on veut donner là une impression du nouveau style que Cadillac pourrait adopter pour ses voitures. Encore une fois, c'est une parfaite réussite. Il faut voir le capot plongeant, les phares extrêmement modernes, très, très sophistiqués, très, très stylés. La calandre qui est en forme de, qui est comme 3D. C'est vraiment magnifique. C'est très beau. Dans ce cas-ci, bon, on parle encore d'un coupé, bien entendu, parce que on le sait que les coupés ont plus de style. On verra ce que ça va donner si un jour ça arrive dans les, je dirais, en termes de production. Je pense pas qu'on soit rendu là chez Cadillac. Celle-là, elle est plus grande que la nouvelle CT6, donc vraiment un véhicule concept qui est incroyable et qui s'inscrit dans la lignée de l'Almirage, entre autres, qu'on avait présenté en 2013, aussi à Pebble Beach. La différence, écoute, on parle vraiment d'une voiture là, qui pousse tout à l'extrême, roue de 22 pouces, bref, la totale. Mais ce qui, moi, me fait bien rire, alors que Mercedes arrive avec une Maybach 100% électrique, chez Cadillac, on nous arrive avec un V8 biturbo de 4,2 litres. Un moteur, en fait, qui n'est encore une fois qu'un strict prototype, parce qu'on dit que c'est le nouveau, un système qui serait nouveau et qu'on va appliquer sur différents modèles Cadillac à l'avenir, incluant par exemple une technologie de gestion active du carburant, donc qui va permettre de désactiver des cylindres. Mais c'est là qu'on en est dans le cas de Cadillac et de son Escalade qui est absolument, je le répète, réussi. Alors vraiment, Pebble Beach, si vous faites une petite recherche, vous allez voir là une série de voitures qui sont littéralement à se jeter par terre. Malheureusement, ça va me prendre ton budget et pas le mien pour réussir à m'en acheter une. On va peut-être prendre nos deux budgets mis ensemble et encore là, on pourrait C'est peut-être ça. en manquer de trois quarts. En fait, on pourrait vendre nos deux maisons puis rester dans le char. Mais bon. Moi, c'est ça. Mais je regarde l'escalade, c'est très joli. Ça me fait penser au concept que Buick avait lancé c'est-tu l'année passée ou il y a 2 ans, là, qui était comme bâti sur une plateforme de Camaro, là. Ça ressemble un peu à ça. Oui. Oui, effectivement, c'est un peu les mêmes lignes, mais en plus raffiné. Et regarde les blocs optiques. Moi, Bon, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus dans ce monde-là. oui. Ouais, c'est une presque absence de bloc optique, par exemple. C'est Oui, vraiment petit. effectivement, mais J'imagine que c'est des c'est. phares au laser, j'imagine. Oui, c'est des phares au laser, effectivement. Donc, c'est le genre d'affaires qui s'en va. Évidemment, on ne peut pas parler de moteur sans parler d'Infiniti, qui cette semaine nous a annoncé un moteur absolument unique en son genre. Un moteur qu'ils ont appelé le VTC. C'est-à-dire que c'est un moteur. Infiniti nous dit qu'ils veulent même remplacer avec ça les moteurs diesel. Okay? C'est un moteur turbo à compression variable. Concrètement, en fait, c'est que justement, à l'intérieur des cylindres, on peut modifier la compression, ce qui fait que ça permet donc d'avoir une meilleure économie, de meilleure performance, tout ça dans un moteur que l'on peut réduire en termes de dimension. C'est la première fois qu'on réussit à avoir un moteur de cette nature-là de façon commerciale. Il va être présenté à Paris à la fin du mois. Pour ceux que ça intéresse, là, le taux de compression est capable de varier de 8 pour 1 à 14 pour 1. C'est énorme comme différence. C'est vraiment comme si on était capable de faire n'importe quoi, là, de passer de la petite berline de la Toyota Camry à la BMW M2, mais avec la même motorisation et en ayant une économie de carburant qui est profondément plus importante. Ouais, j'imagine que ça va être dans une voiture haut de gamme, ou bien Infiniti, donc ça va être probablement dans une Infiniti Q50 ou Q60 en partant, ou peut-être bien. C'est ça. Ouais, puis après ça, ben, on va descendre ça plus bas dans d'autres, peut-être chez Nissan à un moment donné, des voitures comme la Maxima ou quelque chose de ce genre-là. Probablement, mais j'ai l'impression qu'ils vont effectivement s'associer avec Nissan beaucoup pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire puis comment ils vont le gérer. Parlant d'Infiniti, rapidement, tu parlais de la Q60 et de la. Ben, il y a la QX30 aussi. On a enfin dévoilé les prix. La QX30 qui arrive d'ici 2 semaines au maximum chez les concessionnaires. Mm-hmm. Donc, on parle d'un véhicule qui va varier de 35 990 à 46 590 selon les types selon les différents modes que vous allez choisir. Étrangement, la plus dispendieuse, c'est la version, la QX30 Sport et Technologie à 46 590, mais elle est 2 roues motrices parce que la version Sport, elle n'arrive pas en all-wheel drive. Alors, okay. Voilà le prix. Et la Q60, qui est aussi la toute nouvelle coupée. Mais oui. Là aussi, on parle d'un véhicule qui débute à 45 990 et qui culmine à 64 490 avec l'édition Red Sport de 400 chevaux. Ouais, vraiment jolie la Q60. Ils ont commencé à mettre des pubs à télévision, pub qui est très jolie, là, voiture au ralenti et tout ça. On l'avait vu à Toronto, ça a été lancé à Toronto en début d'année, la Q60, puis c'est une très jolie voiture. Je trouve que la Q50 est bien réussie, la Q60 en étant d'un coupé, là, parce que la Q50 et la Q60, c'est la même voiture, mais une 4 portes puis une coupée. Le coupé est vraiment magnifique. Là. Ça fait vraiment une voiture qui a de la gueule. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as-tu une chance de conduire? Pas encore? Hein? Non, pas encore. Je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de la tester, celle-là. C'est bon. Là, évidemment, on ne peut pas parler voiture sans parler voiture électrique. Quelques bonnes nouvelles. Volkswagen qui a confirmé l'arrivée de la e-Golf en 2017 au Canada. Ouais. Donc, la Golf électrique. Volkswagen toujours qui nous dit qu'à Paris, ils vont nous présenter un véhicule qui est capable de 500 km d'autonomie, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Je serai là à Paris d'ailleurs pour l'avoir, donc on pourra en reparler à ce moment-là. Et rapidement, il y a un petit bilan des voitures électriques. Tu sais, on se demande souvent, il y a combien de voitures électriques au Canada? Mm-hmm. Il y a eu un bilan qui a été fait à la fin du mois de juin. Au total, on parle de 22 651 voitures électriques au Canada. Et quand je parle d'électrique, ça inclut tout ce qui est branchable. Donc, incluant là, les PHEV, là, tu sais, Fusion énergie, C-Max énergie, c'est ça, oui. Exactement. Alors donc, on parle de 22 000. En mode purement électrique, 12 125 véhicules roule actuellement sur les routes canadiennes. OK, c'est quand même la moitié. C'est quand même pas ouais, c'est la flotte complète, là. On s'entend, là. Faut quand même rappeler qu'il se vend par année 1,8 million de voitures au Canada. Oui, oui, oui. Et là, on parle de la flotte complète depuis le début, là. Ouais. Et non pas des nouvelles ventes. Non. C'est un très, très infime parti. 4 689 véhicules purement électriques immatriculés au Québec. Et 5757 PHEV immatriculés au Québec. Donc, on est vraiment à 10446, on est vraiment à la province où c'est le plus populaire. La deuxième étant l'Ontario avec 7212 et la troisième étant la Colombie-Britannique avec 4097. Ouais. Écoute, sans surprise, là, je pense qu'il n'y a personne qui va tomber sur le dos de savoir que c'est la Volt qui mène le show. 4624 volts au Québec sur les 5757 branchables. C'est-à-dire... il y a 1100 des autres toutes réunies. Ça donne une idée. Dans la série des voitures totalement électriques, la plus populaire, c'est la Nissan Leaf à 2157 et il y a 11112 Tesla S, toujours au Québec seulement. Donc, c'est quand même une partie intéressante. Il faut savoir que c'est les gens les plus... je dirais, les plus sensibles sont au Québec et on s'en rend compte. Alors Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben écoute, le plus simple, c'est d'aller voir sur les sites de NetMedia 360, donc ecoloauto.com, vusmag.com, luxurycarmagazine.com et autoféminin.com. On est aussi sur le Huffington Post Québec dans la section auto. Et bien sûr, par Facebook à Marc Bouchard ou sur Twitter, Marc Souligné Bouchard sont les meilleurs moyens de me rejoindre. Et bien sûr, notre adresse courriel commune, que tu vas mentionner à l'instant. Oui, qui est info@saroulradio.com. Donc, moi et Marc recevons tout ce qui passe par là. Et on est débordé présentement. Là, on ne sait pas quoi faire avec les courriels qui rentrent. Donc, tu sais, prenez une pause. Non, c'est pas vrai. Si vous avez des questions, vous cherchez une voiture, ça vous tente, vous avez des, tu sais, on va vous répondre. Donc, si jamais ça vous tente de nous écrire, nous poser des questions sur cette adresse-là, ça va nous faire plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Pour moi, si vous voulez me rejoindre, bien, sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte Twitter de Saroule Radio qui est Saroule Radio. Il y a notre site, saroulradio.com. On a une page Facebook, Saroule Radio. On est disponible sur iTunes. On est disponible aussi sur Google Play. Vous pouvez nous écouter sur sportradio.ca, sur Radio H2O, sur Radio Highway. Vous pouvez aussi me lire, moi, sur le blog automobile de Kijiji au FR, kijijiblog.ca, dans la section véhicules. Et vous pouvez même trouver un de mes articles sur deux sites de marque. J'ai un article qui a été mis sur le Ford Trailer Backup Assist qui est sur Ecolo Auto et sur VUS Mag. Donc, je peux faire mon frais un peu. J'ai un article sur les sites de marque. Mais non, c'est cet article-là que vous allez trouver et probablement le seul que vous allez trouver dans l'avenir aussi. Mais Marc a publié un de mes articles-là. Donc, c'est non, pas mal ça. Faut dire que c'est super intéressant comme concept là. Et toi, tu as eu l'occasion de l'essayer. Alors, mon cher, je ne renie pas ce que tu fais, loin de là. Non, non, c'est juste le fun d'être sur un de tes sites. J'ai trouvé ça un petit... Ça me fait un petit vlog. Donc, c'est ça, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, encore une fois, Marc, d'avoir fait cette émission-là avec moi. Toujours beaucoup de plaisir. Et puis, nous, ben, on se reparle la semaine prochaine. Et puis, les auditeurs, ben, bonne fin de semaine, bonne semaine. Puis, on vous revient la semaine prochaine avec une autre émission de Ça roule Radio. Bye, tout le monde.